Il y a longtemps, très longtemps, vivait en Bretagne le père du père du père du père de mon grand-père. Et dans les autres coins de la terre vivaient aussi les pères de tous les autres grands-pères. C'était il y a longtemps, puisque dans ce temps-là, les arbres parlaient, les animaux aussi, et l'homme les comprenait. C'est comme ça qu'on a su les histoires. Et les histoires ont traversé le temps, le monde et les gens. Si elles sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui, c'est sans doute qu'elles ont quelque chose à nous dire. Écoutez-les de vos deux yeux, regardez-les de vos deux oreilles, il n'y a pas deux chemins qui sont pareils. Nam Koutiti. Nam Koutiti n'habite pas par ici. Il habite à l'île Maurice. Une île où il fait beau du 1er janvier au 31 décembre. Et à l'époque de mon histoire, à l'île Maurice, il n'y avait pas d'école. Nam Koutiti jouait toute la journée dans la plaine. Quand il rentrait chez lui le soir, il était bien fatigué. Et ce soir-là, Nam Koutiti rentrait chez lui quand, sur le chemin, il entend des pleurs, des gémissements. Il avance plus vite pour savoir d'où ça vient. Il reconnaît la voix de sa mère. Alors il court sur le chemin. Il ouvre la porte. Sa mère était assise sur une chaise. Quand elle a vu son fils, elle lui a dit « Mon fils, je t'en prie, j'ai mal au ventre. Va me chercher de l'eau sans grenouille. » Alors Nam Koutiti a pris une bouteille et il est parti. Nam Koutiti a trouvé une première rivière. Il a posé sa bouteille sur le bord de la rivière, il s'est penché bien au-dessus de l'eau et il a demandé « Y a-t-il des grenouilles ici ?»« Quoi ? Quoi ? Quoi ?» Il y avait des grenouilles dans cette rivière. Alors Nam Koutiti a pris sa bouteille et il s'est remis à marcher sous le soleil. Il a trouvé une deuxième rivière. Il a posé sa bouteille sur le bord de la rivière. Il s'est penché bien au-dessus de l'eau et il a demandé « Y a-t-il des grenouilles ici ?»« Quoi ? Quoi ?» Il y avait encore des grenouilles dans cette rivière. Nam Koutiti a cherché une troisième rivière. Il a posé sa bouteille sur le bord de la rivière, il s'est penché bien au-dessus de l'eau et il a demandé « Y a-t-il des grenouilles ici ?» Pas un bruit. Pas plus de bruit dans l'eau qu'à côté. Il n'y avait pas de grenouilles ici. Alors Nam Koutiti a rempli sa bouteille d'eau pour sa mère et il est reparti. Seulement, il n'avait pas fait 10 mètres, caché dans les joncs, quand il a vu le loup venir boire à sa rivière. Nam Koutiti s'est dit « D'accord, je comprends pourquoi il n'y a pas de grenouilles ici. » Et il est rentré chez lui. Quand il a donné la bouteille d'eau à sa mère n'avait jamais bu une eau comme ça. Une eau aussi pure, aussi fruitée, aussi cristalline. Elle a avalé toute l'eau de la bouteille. Elle a dit à Nam Koutiti « Retourne, mon fils, retourne, c'est cette eau-là qu'il me faut !» Nam Koutiti lui a répondu « C'est la rivière du loup, t'as qu'à y aller toute seule !» Alors la mère est partie. Nam Koutiti l'a suivi sans se faire voir. Il se cachait derrière un rocher, derrière un arbre. Il a vu sa mère s'arrêter à la première rivière, à la deuxième. Il a vu sa mère s'allonger de tout son long sur le bord de la troisième rivière. Il a vu sa mère... Lui, il s'était caché dans les joncs quand, tout d'un coup, il a vu deux grosses pattes pleines de griffes et de poils serrer les épaules de sa mère. « Rends-moi mon eau !» a dit le loup. « C'est ma rivière ici !» « Mais, monsieur le loup, je l'ai bu, je ne peux pas vous la rendre. »« Rends-moi mon eau, sinon je te mange. »« Mais, Mais, monsieur le loup, j'étais malade, je suis venue, je ne reviendrai plus. » À ce moment-là, le loup a eu une idée. Il a dit à la mère de Namkoutiti. « Si je ne te mange pas toi, tu as peut-être un enfant. » « Oui, c'est vrai, j'ai un garçon. Il s'appelle Namkoutiti. Toute la journée, il joue avec ses copains dans la plaine. » Mais Namkoutiti, caché dans les joncs, avait tout vu, tout entendu. Vous ne croyez tout de même pas qu'il allait se laisser faire. Namkoutiti est allé trouver ses copains et il leur a dit. « Hé, les copains, demain le loup vient me chercher. Il sait que je m'appelle Namkoutiti. Alors, quand il demandera... « Qui c'est Namkoutiti ? On lèvera tous le doigt. » Et puis, quand il demandera à chacun « Comment tu t'appelles ?» on dira tous « Namkoutiti, Namkoutiti, Namkoutiti. » Les copains de Namkoutiti lui ont dit « Écoute, l'amitié, c'est sacré. Tu peux compter sur nous. » Le lendemain, le loup est arrivé. Il a vu tous les enfants, il en a tâté quelques-uns en passant. Appétissant ! Et puis il leur a dit... Alors, qui c'est Namkoutiti ? Tous les enfants ont levé le doigt. Alors le loup a demandé un par un. Comment tu t'appelles, toi ? Namkoutiti. Et toi ? Namkoutiti. Et toi ? Namkoutiti. Tous les enfants s'appelaient Namkoutiti. Le loup ne savait plus qui manger. Il est allé trouver la mère. Il lui a dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils s'appellent tous Namkoutiti dans le village. Tu t'es moqué de moi ?» La mère a répondu « Vous savez, mon fils est malin comme un singe, ça ne m'étonne pas. » Le loup lui a dit « Attention, moi je vais te manger. » Mais je vais vous dire franchement ce qui se passait dans sa tête. Le loup, depuis qu'il avait vu des enfants bien croquants, il n'avait plus du tout envie de manger la mère. Et la mère lui a dit « Attendez, je sais ce que je vais faire. Demain, je vais mettre à mon fils un bonnet rouge. » Mais Namkoutiti, lui, il était rentré bien plus vite que le loup. Il s'était caché dans l'armoire et il avait tout entendu. Il est retourné voir ses copains. Tous les copains n'avaient pas de bonnet rouge, alors ils sont rentrés chez eux, ils ont pris des ciseaux et tout ce qu'il y avait de rouge dans la maison, ils ont coupé dedans. Les rideaux de la salle à manger, rouge. Clac, clac, clac, sur la tête. Dans l'armoire de la grand-mère, la robe de chambre, rouge. Clac, clac, clac, sur la tête. Le pyjama du grand-père, rouge. Clac, clac, clac, sur la tête. Si bien que quand le loup est arrivé, le lendemain, tous les enfants avaient quelque chose de rouge sur la tête. Le loup n'a rien dit du tout. Il est rentré chez la mère et lui a dit « Ça suffit, ça fait 2 jours que je dois manger Namkoutiti. Tant pis, je vais te manger. »« Non !» a dit la mère. « Attendez, je sais ce que je vais faire. Namkoutiti ne fait que des bêtises. Je vais le punir, je vais l'enfermer dans le grenier, comme ça. » Vous irez le chercher. Quand Namkoutiti s'est retrouvé dans le grenier, il était tout seul. Les copains, sa mère ne les avait pas laissés passer. Et puis, dans les greniers, il y a des toutes petites fenêtres, des vasistas. On ne peut pas se sauver. Namkoutiti était là, assis avec son assiette de riz. Il entendait le loup monter l'escalier. Alors, Namkoutiti a pris dans sa poche un morceau de jonc de la rivière du loup. Il l'a tournicoté autour de son doigt en disant « Oh, je suis perdu. Je voudrais bien être n'importe quoi, même une souris. » Brout ! Namkoutiti s'est transformé en souris. Quand le loup est arrivé, tout ce qu'il a trouvé, c'est une souris qui rigolait, qui se lissait les moustaches et qui mangeait une assiette de riz. Le loup lui a dit « Dégage-toi, la souris, j'attends Dame Coutiti !» Le loup a attendu pendant une heure. Il avait tellement faim que sa langue tombait jusqu'à son cou. Le loup a attendu pendant 2 heures. Sa langue atteignait le nombril. 3 heures. Sa langue ballottait les genoux. 4 heures. Sa langue balayait le plancher. Alors le loup est redescendu voir la mère. Il lui a dit « Tant pis, je vais te manger. »« Non, non !» a dit la mère. « Attendez, moi je vais couper les cheveux de Nam Koutiti. Cette nuit vous reviendrez quand on sera tous endormis. Celui qui n'aura plus de cheveux, ce sera lui. » Mais Nam Koutiti, petite souris dans le grenier, avait tout entendu. Et quand il est redescendu en Nam Koutiti, parce que le sort était fini, il s'est laissé couper les cheveux par sa mère, il est allé se coucher. Il a attendu que son père dorme, que sa mère dorme. Alors il s'est relevé, il a pris des ciseaux, il a coupé les cheveux de son père, avec un œuf, il les a recollés sur sa tête à lui, et il est allé se coucher, bien fatigué. Dans la nuit, le loup est arrivé. Il a touché une première tête pleine de cheveux. Oh non, ça c'est la mère. Je l'ai assez vue, je n'en veux plus. Il a touché une deuxième tête, mais elle avait aussi des cheveux. Il est allé plus loin, il a touché une troisième tête. On voyait bien que les cheveux venaient d'être coupés. Il s'est dit « Ça y est, c'est lui, c'est Nam Koutiti !» Il n'en a fait qu'une bouchée. Bon, c'était pas la peine d'attendre si longtemps. Il n'est pas si tendre que ça. Le loup est parti. Son histoire est finie. Mais celle de Nam Koutiti continue. Parce que le lendemain, la mère a vu son fils dans la maison. Elle s'est dit « Comment ? Il a encore échappé au loup, celui-là ?» Et, en balayant la maison, elle a vu des cheveux par terre, au pied du lit de son mari. Alors, elle a tout compris. Elle a dit à Nam Koutiti « Tu as donné ton père au loup et moi je n'ai plus de mari. Eh bien, tu vas voir ce que tu vas voir !» Et elle s'est mise à courir, à courir, à courir. Après Nam Koutiti. Nam Koutiti courait, courait, courait le plus vite qu'il pouvait. Il est arrivé à une rivière, mais il ne savait pas nager. Il s'est dit « Je suis perdu. Si je saute, je vais me noyer. » Il entendait sa mère qui arrivait derrière. Nam Koutiti a fouillé dans sa poche. Il a pris le morceau de jonc de la rivière du loup. Il l'a tournicoté 3 fois autour de son doigt en disant « Je voudrais bien être n'importe quoi, même un caillou. » Chou ! Nam Koutiti s'est transformé en caillou. Quand sa mère est arrivée au bord de la rivière, elle a regardé à droite, à gauche. Pas de Nam Koutiti. De l'autre côté de la rivière, elle a vu de l'herbe qui bougeait. C'était peut-être un courant d'air, une petite bête qui passait par là. Mais comme elle ne voyait pas son fils, elle a pensé qu'il avait réussi à traverser. Elle a dit « Ah, tu vas voir, Nam Koutiti !» Elle a pris le caillou rond qui était là, par terre, et elle l'a jeté de l'autre côté de la rivière. De l'autre côté de la rivière, le caillou s'est retransformé en Nam Koutiti. Et il a dit « Merci maman, tu m'as sauvé la vie !» Nam Koutiti est parti vivre sa vie. On ne l'a plus jamais revu. C'était Nam Koutiti, un conte de Gigi Bigot, choisi dans le livre Bounoum Misère et autres contes, publié dans la collection Paroles de conteur, chez Cirrose.